Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français avec un garçon qui nous vient. Est-ce que tu nous viens d'ailleurs toujours de Perpignan? C'est ça. Tu t'es pas installé à Paris, toujours pas, non? Non, jamais. L'air n'est pas bon? Ah ouais, on est trop bien à Perpignan. Monsieur Gros Mot est là avec nous. Bienvenue dans cette nocturne. C'est ta nocturne. Yes, c'est ça. C'est toi qui prends le contrôle de la nocturne à l'occasion de la sortie d'un projet aujourd'hui. C'est ça, les dièses de Gros Mot. En tout cas, merci pour l'invitation, Fred. Sois le bienvenu, les dièses de Gros Mot. Alors, petit point sur l'historique de Gros Mot. Donc, toi, t'as commencé déjà le hip-hop. Je dis hip-hop parce que c'est très important pour toi, le hip-hop. La contenance, le contenu oui, hip-hop. Sûr. Parce que ouais. Au tout début, il y a eu la danse, même si. J'étais nul. Non, je voulais juste dire que tu regardais peut-être un peu plus que pratiquer. Non, j'étais nul. Ouais, la danse, après, ben, le rap, hein, c'est moins physique, mais. Donc ça l'a fait, quoi. Le rap qui a commencé aussi par des sessions d'écriture aussi, des ateliers d'écriture, où t'as croisé évidemment Némir. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis toute une fine équipe aussi du côté de Perpignan. Nasty, t'as Hassan qui est là avec nous aujourd'hui. C'est un peu les grands frères de Perpi, quoi. Et donc toi maintenant, ça y est, alors il y avait eu un projet qui était sorti en digital il y a 2 ans maintenant. C'est ça, ouais. Qui s'appelait Rappelle-nous, il avait... Ben, je te laisse le dire, moi. C'était très poétique. Je te laisse le dire. C'est justement pour ça que je l'ai appelé comme Hierro ça. Hierro de puta. C'est ça. C'est, il s'appelait comme ça. Ouais, ça. Non, fils de pute, il s'appelait. Ouais, fils de pute, ouais. Voilà, c'est vrai que ça a dû te faire rire, en fait. Ouais, grave, mais c'est trop... Quand les autres l'annoncent, en fait. Mais c'est ça. Pour ça. Un projet, fils de pute. Ouais, bah ouais, merci. Bon, celui-ci, il est plus soft dans le titre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, voilà, on s'est dit quand même, on va faire doucement sur le second. Et après, ça reste dans la même veine un peu, mais on s'est lâché, quoi. Il y a zéro filtre, zéro bride, on s'en fout, tu vois, on se jette. Et voilà, quoi, ça l'a fait au final. Et ben, on va pouvoir le découvrir, tu nous présenteras aussi. T'as commencé à dévoiler un petit peu, mais il y a des invités qu'on va présenter dans un instant. Ouais. Mais le mieux, peut-être, c'est d'attaquer tout de suite avec une session pour ceux qui veulent aussi découvrir Gros Mot maintenant avec les morceaux. On attaque une première session, on va saluer DJ Stretch qui est au contrôle. Allez. C'est parti, coup d'envoi. Gros Mot dans la nocturne. C'est parti, mon gars. Répète, faut que tu les ken, faut que tu les ken. Dès la première mesure, pélo, faut que tu dégaines. Pour que je te kiffe, chérie, faut que tu m'écœures. T'es pas dans le délit, cherche pas à lire entre les lits. D'ici que je vois que les langues se délient, fuck les fous, tu haters. Wesh, wesh, frérot, ça dit quoi? Le prochain gros, c'est quand tu le dégaines. Le 14, enfoiré. Je suis un télo tous les samedis soirs. Où je frotte le froc sur des seins. Ouais, c'est à l'histoire. Oh, chez nous les putains font de la magie noire. Possédé par le dia, prêt à faire le dia. Hello, panique pas, les pleurettes qui fait boule à hiya. J'en fais l'amour ou la rouquia. Hein, ce genre de fille là, qui veut qu'on la prenne sur un billard. Qu'on l'insulte, la traite comme une pillage. Puis Buenos Dias, si c'est pas Iblis qui t'habite, c'est qui? C'est qui? Daron t'a pas assez giflé, oublie pas qu'au final le mal on s'y fait aussi. Vrai que ce qui divise une famille, c'est le bif. Ouais. Ouais. Gros mot, ton gros bédo, faut que tu les tais. Tu les tais. Vu ta bigaine, faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Gros mot, ton gros bédo, faut que tu les tais. Vu ta bigaine, faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. Faut que tu les ken. J'en appelle à tous mes démons. comme mes démons. On cogite comme la pègre, on raquette pour trouver les fonds. On s'entraîne à shooter des trous. C'est con de quoi chinon pas shooter les bouts. J'ai cette poutre de Sarkozy dans mon viseur, c'est l'heure de couper les plombs. Manuel Valls, tu vas y goûter mon fion. Tu vas y goûter. Tes discours puis la chiasse, j'confonds ta bouche et ton fion. Gros coup de grâce, vrai fils de boucher mais des coups de chlasse. Faut beaucoup et beaucoup de liasses pour Amadou et tonton. Sale histoire. Gros chez nous les putes à fond de la magie noire. Nique la brigade canine, nique les malides noirs. Si c'est la famine que le mal m'anime, j'fais de la magie, j'fais de la magie, j'fais de la magie noire. J'fais de la magie noire. Star from Mars quand j'suis sous magie noire. J'fais de la magie noire. Et tous mes rebelles sous magie noire. Tous, grosse pif de bœuf, j'suis sous magie noire. Je te nique ta race, ou je te nique ta mère, je suis déter comme mes frères du Hamas. Hamas, pour moi c'est des liasses, encore plus de liasses. Investi à Famas, big up aux Arabes. Bon que pour les go fast, les vols à l'étalage. Michel Obama, je la fais twerker zouker sur du show ananas. Je la fais jouer bien pire encore. Ouais. T'avais qu'à gérer ton bord. Gérer ton bord. J'ai déjà dit dans l'autre pègre, fils de pute, tous mes rivaux sont morts. Ouais. Comment garder la cervelle en éveil en mélangeant différents drogues. On augmente le level, même si les voisins s'entendent. Sale histoire. Prochaine nous les putes à fond de la magie noire. Nique la brigade canine, nique les malinois. Si c'est la famine que le mal m'anime, j'fais de la magie. J'fais de la magie noire. J'fais de la magie noire. Ça, ça fout pas quand j'suis sous magie noire. La magie noire. Tous mes rebelles sont sous magie noire. Ouais, ouais. Grosse livre de bœuf, j'suis sous magie noire. Ouais, ouais, ouais. Comme au Maroc, j'fais de la magie noire. Hein? T'as ma parole, même ma daronne est sous magie noire. A redoubile. A redoubile. A redoubile. Ouais. Ouais. Ouais, les dièses de gros mots, ça sort le 14 octobre, man. Everydays à la prod. C'est la nocturne 100% rap français. Avec monsieur Gromo au contrôle de la nocturne et des extraits justement des dièses de Gromo qui arrivent aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est ça. On peut aller, cette fois-ci tu le sors en physique aussi, on peut le trouver en physique. Hein, ouais, ouais. Pour ceux qui aiment bien l'objet, ouais. N'hésitez pas. N'hésitez pas ou sinon en digital ce soir par exemple si vous avez kiffé des morceaux déjà qu'on vient de passer. Quand même les prods, fort aussi, hein, Gromo. C'est quoi, c'est un gage maison aussi, parce que c'est vrai qu'on t'a toujours connu aussi sur des prods avec du contenu. Mmh, ben là, sur ce projet, j'ai bossé pratiquement qu'avec Enzo, qui avait aussi produit pratiquement tout mon projet avant. Là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est une production. C'est le seul morceau en fait produit par Everydays. Le mec qui nous accompagne sur scène, c'est aussi un Perpignanais. Et voilà, pour moi, c'est. Il n'y a pas eu besoin de bosser avec d'autres beatmakers, on avait ce qu'il fallait à la maison. Il y a tout ce qu'il faut du côté de Perpignan, ouais. À mort. Bon, tu nous l'as dit, tu quittais pas Perpignan, mais il y a peut-être y avoir des dates aussi, on va pouvoir te retrouver aussi sur certaines dates en tournée aussi, gros mot. Ben, pour l'instant, on m'a pas envoyé de date, on m'a rien proposé encore, mais il y a un projet peut-être de petite tournée, et on espère que après la sortie du projet, il y aura des propositions. Parce que, je dis ça parce que toi, les dates, les tournées, les concerts, c'est un moment important aussi de ta vie, parce que t'as beaucoup accompagné en tant que backer Némir, justement. Même le live, moi, si je fais de la musique, c'est pour faire du live, surtout, ouais, c'est ça. Quoi, parce que vraiment, j'adore ça, je kiffe. Après, c'est sûr que ce projet, peut-être il va être un peu compliqué des fois à défendre, mais on est prêt, moi je suis prêt. T'sais. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu trouves un peu expérimental? Ouais, il y a des petits délires barrés, certaines phases un peu qui piquent, ou peut-être des fois une cover qui fait flipper, tu vois, tout simplement. Je sais pas, moi j'ai l'impression que dès que ça touche un peu au... Je sais pas moi, au côté sombre, un peu le côté un peu sataniste, un peu magie noire. D'où magie noire? Ouais, ça peut un peu... Mais après, moi, je suis prêt à le défendre. Bon, c'est un côté que t'assumes en même temps. De ouf. Et puis, ça veut pas dire que tu fais griller des poulets à la maison. Exactement. Ou... Ouais, et que tu tronches des gorges de poules. Deuxième degré, bah ouais. Non, mais il y a aussi, oui, je pense que c'est aussi un côté dérision sur tout ce qu'on peut lire. C'est ça. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça en écoutant le projet, en découvrant aussi le visuel, c'est que... Moi, je le prends plutôt comme de la dérision par rapport à ce qu'on peut lire et on est abreuvé de trucs sur Internet. C'est-à-dire que le moindre geste est interprété. Exactement. Je suis sûr que quand tu fais un clip, tu dois dire, oh putain, il y a des mecs qui t'envoient un message. Ah, mais en fait, tu fais partie du gang des, c'est ça. Des Illuminati ou autre. C'est par rapport... Moi, c'est ça qui me fait gaulerie, c'est tous les complots autour des rappeurs. Ouais, c'est ça. Ben, du coup, on a joué sur ce tableau-là, quoi. Eh ben, écoute, gros mot, je te laisse donc repartir sur des ambiances bizarres. Vas-y, c'est on va grave. Saluer ceux qui sont à tes côtés aussi. On va découvrir, on va continuer à découvrir le projet. Mais il y a monsieur Dean Borbigo qui nous a rejoint. Ouais, il est là, Dean. Il est là, il a un super micro, regarde, un micro sans fil. Il a pas de micro. Il entend même pas, en fait. Il y a FJ, par contre, lui qui nous entend et qui a un micro devant lui. Exactement, salut Fred. Ça va bien, FJ? Ça va et toi? En pleine forme? On est là pour soutenir gros mot. Hein. Ouais. À fond. Gros mot. Toi, tu l'as capté quand? C'était pareil au moment de... Je sais même plus c'est quoi la première fois que j'ai vu, mais on s'est beaucoup vu à l'époque des Ken Aiki Kit. On faisait les concerts Ken Aiki Kit. Nemir, moi j'accompagnais Jean. Gros mot, il accompagnait Nemir. Et vas-y, on était ensemble. Hein. Et la connexion s'est ensemble. Nous, on était ensemble, on allait faire notre truc. Nos homo, bien sûr. Bien sûr. C'est Skyrock et c'est la Nocturne avec Gros Mot, notre invité. Allez vous procurer ce projet justement à découvrir ce soir dans la Nocturne DJ Stretch. Non. C'est quand tu veux pour la suite des événements. Il y a du live aussi hein, qui est prévu Gros Mot. Ouais, ouais, grosse session live. Ça arrive. Je peux passer toute la nuit à contempler son boule. Ma vie à me contenter de son souffle. J'aime qu'on le fasse sur le lit, j'aime qu'on le fasse sous la douche. Monte sur moi, fais du hula hoop. Mes tasses, mets du hula hoop. Monte sur moi et fais du hula hoop. Mon amour, fais du hula hoop. Là, la gueule et le caractère à son père. Les manies de sa mère, y'a pas plus maigre que son frère. On peut croire que j'suis dans la merde. Comme son père, mais la gazelle fume là. Faire comme son père, elle veut du zay, on va le faire. On va le faire, va le faire. Un gosse, on va le faire. Quand elle ouvre, on la ferme. Prends ton zouk, tes affaires. J'assume mes travers. Quand j'assure ses arrières. Sans la fumée, sans ma femelle, sans la thune, j'étouffe. Les problèmes s'empilent sur les doutes. Ça parle de semaines passées chez les poufs. La queue j'assèche, les cœurs n'assèche pas que les bouches. M'amène Enzo à la prod. Une spéciale pour tous mes chicken love. J'peux passer toute la nuit à contempler son boule. Ma vie à me contempler de son souffle. J'aime qu'on le fasse sur le lit, j'aime qu'on le fasse sous la douche. Monte sur moi, fais du hula hoop. M'éteins, fais du hula hoop. Monte sur moi et fais du hula hoop. Mon amour, fais du hula hoop. Elle est couleur caramel. Vu ce corps, faut le recouvrir d'or. Quitte à manger la gamelle. Au premier abord, premier désaccord. Je suis pas le bienvenu dans sa planète. Elle est fière, elle est pure, elle est forte. Une fois mise à nu, je dis amen. Je dis amen à tout. Même en galère, ça roule. Elle me calme même ma boue. C'est ma gamme, c'est ma boue. J'peux canner pour elle. Pour moi, je à moi. Même si mes sentiments sont formels, elle s'en bat. Il faut bien plus qu'un plan cul en bas pour qu'elle s'en batte. J'ai croisé cette go. Après boule de déglingo. C'est pas une cambrure qu'elle a. C'est un lumbago. C'est un lumbago. Hein? Elle a mis tout mon corps en fuego. Puis cette pute m'a refroidi. A froissé mon ego. Elle m'a dit tu dégages si t'as pas de limbo. Hein? J'lui dis que j'picravais ta gade en bendo. Mais pour elle c'est pas assez. Madame veut des lingots, des lingots. Si t'espères un jour lui caresser la boîte à berlingots. S'il te plaît, vélo, s'il te plaît, vélo, s'il te plaît. T'es pas un bédo. T'as pas un bédo, vélo, t'as pas un bédo. S'il te plaît, vélo, s'il te plaît, vélo, s'il te plaît. T'es pas un bédo. T'as pas un bédo, vélo. Roule un spliff, oui, le weed. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Tout donné, galérer sans les love, gamelle, gamelle, gamelle, galérer sans les love. Où qu'on aille pour nous gars c'est cramé, avec ou sans diplôme, faut galérer, galérer, galérer, galérer, galérer. Fait qui blisse, on se fait la bise. Fauché sur la piste quand je bois sa pisse. J'conclue tous les vices qu'il y a sur ma liste. Faut que je me bouge et quitte à sacrifier ma vie. Mec avec Iblis, on se fait la bise. Foncé sur la piste quand je bois sa pisse. J'conclue tous les vices qu'il y a sur ma liste. Faut que je me bouge et quitte à sacrifier ma vie. S'il te plaît, pélo, s'il te plaît, pélo, s'il te plaît, t'es pas un bédo, t'es pas un bédo. T'as pas un bédo, pélo, t'as pas un bédo. S'il te plaît, pélo, s'il te plaît, pélo, s'il te plaît, t'es pas un bédo, t'es pas un bédo. T'as pas un bédo, pélo, roule un spliff. J'achète, gros c'est pas trop l'euphorie. J'ai pas dormi de la semaine. Si t'as du bon produit, donne-moi aussi ton adresse. Il me faut ma dose de weed. Il me faut ma dose d'hydro. Il me faut ma dose de weed. Il me faut ma dose d'hydro. Il me faut ma dose de weed. Une overdose d'hydro. On reconnaît les vrais homies dans la hesse. Hein, ça cogite dans ma tête. Audi cache dans la veste. Dans la veste. J'roule une batte avec son bicrap dans ma tête. Dans ma tête. J'ride avec de vrais garces noyés dans la cesse. Pétasse, j'aime ta combinaison en latex. Monte ce corps de rêve dans ma caisse. Dans ma caisse. Hein, la gueule drôle, le sexe m'apaise. Ouais. On fait le job, fuck les chromes, on encaisse. On encaisse. Fais les gosses, on fuit les cops comme la peste. Comme la peste. Après la baisse, bitch, qu'est-ce qu'on va faire? Le soir m'appelle, app, j'réponds à Perse. Si y'a les decks, cache mon pochon dans ta schneck. J'pète un bleu cas quand mon bocal est à sec. Mais j'connais tous les gorilles les plus horribles en affaires. Promis, j'n'ai qu'aussi que si j'achète. Gros, c'est pas trop l'euphorie, j'ai pas dormi de la semaine. Ouais. Si t'as du bon produit, donne-moi aussi ton adresse. Il m'faut ma dose de weed. Ma dose d'hydro, il faut ma dose de weed. Il faut ma dose d'hydro, il faut ma dose de weed. Une overdose d'hydro. On reconnaît les vrais homies dans la hesse. Dans la hesse. En rap français, c'est Monsieur Gros Mot au contrôle de la Nocturne. Le projet dans les bacs depuis aujourd'hui, n'hésitez pas, les dièses de Gros Mot. On a pu découvrir déjà quelques morceaux lourds à l'instant, quelques morceaux planants comme celui-ci. Et puis des invités qui t'ont rejoint aussi, Gros Mot. C'est ça, là, il y a toute l'équipe. Hein. J'ai vu passer Monsieur Jazzy Bass qui est dans le coin. Il est juste là. Ouais. Voilà, pour fêter le retour des supra-parisiens dans le parc. on a dit FJ, il y a également Dean Burbigo. Tu veux saluer aussi d'autres personnes qui t'entourent, Gros Mot? Il y a toute l'équipe de Perpignan, il y a l'équipe, le PU Clan, Mamen Dams, Signia, il y a Mamentino, il y a San Monkey aussi dans le coin. Mais j'ai l'impression qu'ils dorment, il y a du monde ou pas à la Nocturne, c'est ça? Voilà. Ils sont là, je pense qu'on est prêt pour le freestyle. Et ben, quand vous voulez, c'est parti. Stretch est au contrôle. Je rappelle également aussi que si vous voulez envoyer des messages à Gros Mot pour la Nocturne, vous envoyez le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Je crois qu'il y a Stretch qui est en train de se préparer là. Ah bah c'est pas grave, on peut rappeler quand même 2-3 choses et parler aussi évidemment donc de ce projet qui est dans les bacs. Ouais. Tiens, on va dire un petit mot aussi sur ton compère, sur Némir. Alors, est-ce que tu as des nouvelles fraîches de Némir? Parce que lui aussi, on l'attend. Il a même pas pu venir aujourd'hui parce qu'il est en train de finaliser son beau mal. Là, ils arrivent sur la fin. Là, je pense que ça, on a assez attendu. Même moi, du coup, je sais même pas quand est-ce que ça sort, mais je sais que ça va bientôt donc là, arriver. Donc peut-être 2017. Ouais, 2017, je pense. Qui sait? Bon, ouais. Bah, normalement, c'est ça. De toute façon, si c'est pas en 2017, on le tue. Ah ouais, c'est direct. C'est-à-dire je pense qu'il le sait, tu vois. Je pense que c'est soit il sort en 2017, soit. Pendu par les pieds, quoi. Un truc voilà, direct. Ouais, voilà. Directement. Petite lapidation. Et toi, concrètement, sur. Donc là, il y a évidemment ce projet qui est dans les bacs. Sinon, il y a d'autres choses. Il y a un album que tu prépares. Il y a des choses que tu prépares pour. Là, je suis déjà en train de bosser un peu sur le prochain projet. Après, j'ai aussi pas mal bossé sur l'album Anémir. Après. Moi, j'espère aussi après ce projet faire quelques collabs, des trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, là en ce moment, j'ai pas trop d'inspi, donc je vais pas te mentir et te dire que ça gratte à fond, mais ouais, ça bosse. Ah, t'as pas d'inspi? Là en ce moment, au niveau du grattage, toujours depuis ces deux semaines là, mais c'est à cause de la promo, c'est comme on a beaucoup raidé sur Paris et tout, ouais, j'ai pas. Ça, c'est pas un truc qui te fascine plus que ça, la promo, en fait, Gros Mot, faut le faire, mais. Ouais, je me force. Tu te forces. Bon, là, ça va. Ouais, tu vois bien. Ça roule, bah ouais, grave. Ambiance en équipe. On est comme à la maison, ça roule. Et bon, on peut attaquer maintenant, c'est la session freestyle. Yeah. Dans la Nocturne, 100% rap français, avec Monsieur Gros Mot au contrôle. C'est parti. Ok. Oui, gamos, j'ai déjà niqué tout mon salaire. J'ai même pas de quoi remplir le gamos, j'ai même pas de quoi me vider la tête. Crois que la vie c'est gratos, la daronne me voit niquer la mienne. M'amène, si tu savais. Progresse dans tes projets, plus les problèmes s'amènent. Chacun de mes problèmes a des problèmes annexes. M'amène, si le rap c'est mort, j'finis pas l'année. Ouais, la compte c'est mort, j'ai quitté le lycée pour péter le score. J'étais con à 18 balais, j'ai rien mis de côté, j'ai pas fait de sport. Ça se ressent à 28 balais. Y'a pas pire que quand la fin du mois se prolonge sur celui d'après. Me souhaite pas la santé, souhaite-moi que du pognon. Quand tu me diras bonne année, envoie la monnaie, gros, envoie la monnaie. Amène la monnaie, amène la monnaie, amène la monnaie, fils. Amène la monnaie. On veut faire du bénéfice. Amène la monnaie, amène la monnaie, amène la monnaie, fils. On contrôle la monnaie, on contrôle les maléfices. Ma famille se demande va-t-il finir par s'assasier. Je freestyle à ma guise, était pris par la mazie. Ma fine équipe écrit des rimes et trim par à Paris. Loin du bif, des Qataris, c'est la vie qu'on a choisi. Monsieur Dubis, on voulait voir le menu vite. On est devenu des idoles, on n'est pas devenu riche. J'ai des potes pestant que ni qui placent des quenelles. D'autres qui peuvent encaisser 2000 tous les deux mails. Entre les deux, je cherche ma place. Serai pas de ceux qui perdent la face. Serai pas non plus de ceux qui perdent leur froc. Et je continue de creuser comme un chercheur. Dans je ne sais pas ce que je cherche, mais je le cherche encore. Continue d'écrire quand tout le check s'endort. Vêtements de sport, y'a 700 ports. Il me reste du raid, ma faut qu'on reste en forme. Sain, la prestation est inhumaine, toute la salle est unanime. Calage dans les prunelles, regard braqué sur ma cible. J'suis pressé, j'ai plus le temps pour la détente. Ça me ferait chier de leur laisser percer ma défense. S'ils prennent 10, veux prendre 40. Même leur putain de menace me semble marrante. Leurs avis de poucave, je m'en balance. Fais deux pas en arrière, j'ai deux temps d'avance. Promo est dans les bacs, poteau. Promo est dans les bacs. Promo est dans les bacs, poteau. Promo est dans les bacs. Les dièses de gros mots dans les bacs, poteau. Les dièses de gros mots dans les bacs. Les dièses de gros mots dans les bacs, poteau. Les dièses de gros mots dans les. L'énergie que je génère fait que j'aurai le mérite d'un maître Genève. Tous pensent que je n'ai pas les poules étoffes pour leur mettre la quenelle. Wesh, quelle pitrerie. C'est pas en parlant de ton vécu que t'auras plus de rire. Ouais. Réelle prise de risque, avec ou sans moi je commets des délits de fisterie. Le fils des rêves le maîtrise le rythme. Ouais, rends les mieux hystériques. Ouais, ouais, je suis sombre, tête de mort sur le cul sombre. Gros, j'irai pas sous l'emprise des rythmes. Sous l'emprise des poids, c'est embêtant. Tous prétendent être en tête des écrans. Mais tant c'est temps, trop de prestance c'est temps. Si mat ma compétence est amplifié depuis le 11 septembre. Gros, j'mets les gars froid, c'est les gars qui parlent strass. On brasse et liens, on est ce que le cash est légal. Des gains précaires, c'est comme te vendre des gammes comme s'ils traversaient les balles. Wesh, Seigneur et Dame, j'm'arrête là. Rage mon baf, pas en GAV. On s'estère, frère, on parle que s'il y a des sesterres. La guerre, on va la faire. Ici, c'est la merde. Tu prends 6 enfers pour un deal de la mer. Le taf vient pas, donc tu fais du pif sale quand tu viens d'en bas. Faut que tu gères ton bail. Avant que fleurisse ta bière, ton bras. Dans mon site, ton papa, comme en Baltimore. L'élève dépasse le maître quand tu perds son grade. Toutes tes questions de cash. Dans la street, le taux perd son calme. Quand tu perds son gramme, ouais, perd son âme. Ouais. Les 10 de gros mots dans les bacs. Ouais. Les 10 de gros mots dans les bacs. Ouais. Ouais, ouais. Eh, eh, ya. J'pète la forme et eux pètent les plans. Quête mon clan. Ça fait longtemps que je pique les biches. Que je nique les flics. Que je kick le beat dans les temps. Mec élégant, bête et méchant. J'mets les gants quand faut voler. Pour les gens, j'ai tout donné. Y'a que quand j'ai de l'argent qu'on se connaît. Hein, j'passe la night devant ma feuille. Passe-moi le mic et les armes à feu. J'les rafale tous. Là, j'ai des phases de ouf. J'efface les amateurs. Dans la street, j'me balade. Pour du fric, on balade. Bande de petites bêtes, j'fais mon business quand les flics sont pas là. Bref, j'mène une vie de malade. Ça fume des spliffs de canard. Salope, fais pas la halal si t'as déjà goûté ma banane. Enfin, j'm'en tape des keufs. Quand j'prends le large minimum 100 grammes, jamais assez d'yeuf. Hein, prends balle, non smoke sans mal pour ton quart tes bluffs. Ouais, t'es gofard et t'es gofard, j'm'en bats les yeux. Ouais, mon gros j'taffe sur des gros bails, coup de classe des blunts. Hein, grosse barbe à la Socrate, à la Jack Herreur. Hein, j'traumatise des gros nières, j'leur claque les seufs. Ouais, faut que j'fasse créer trop fat, gros mon taf fait le spell. Gros life, t'as pas gâché le scud, ça t'es creux. À part ça, j'fais ça pour le pognon, pour mon paiement. Pour que les lobes, ça me trouve mignon, me trouve clément. J'te ken, j'te défais pas le chignon, j'fais mon feignant. Donne-moi ton fion, pas ton opinion. Fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Donne-moi ton fion, pas ton opinion. Fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Tu veux me pomper le gland, me rentrer dedans. Fais-le vraiment. Yeah. call it. Imagine this, New Zealand, Paris, y'all ready? One time, y'all ready? Time. Y'all ready? Man, let me get them. Guaranteed I do my thing every time when I bang like this. Somebody really wanna come try me. Guaranteed I do it every time, never miss. Y'all really wanna get grimy, wop. Y'all know where to find me in the club every time when I do it. Guaranteed that I get them right now when I hit them like this. Heavyweight with the shit I spit. Tell them what's up, never take a miss. Y'all know what I mean when I take another hit. Guaranteed that I do it like this. Reminisce Express, man, my flow so ferocious. Yes, I spit. Guaranteed I get them when I tell them. Understand them while I say them. When I kill them with another flow, damn. Hey. Let me get him like that. Man, I guarantee do my thing. Every time when I wanna spit, guarantee that I take it back while I bring that slang. Rip it up in Paris, straight to New Zealand with the way that I get him. Every time when I tell him, understanding, I'm understand while I hit him with another rhythm. Come on! Woo! Yeah! Hassan Monkey, my girl. Yeah! Yeah! Tu parles gros comme c'est la boue qui reste planquée. Tes salades de comptoir n'ont pas leur place dans mon business plan. Faut que j'enfloue les caisses avant de laisser à vitesse grand V. Au mieux je te laisse 2%, je garde les 98 restants. Je veux ranger, chercher un deal honnête. Le sourire aux lèvres, les visages virent au vert. Et mon pain se rend pas plus précieux si je suis dans le dandy Rolex. T'es comme l'autre qui a fait les suites comme t'es pas l'auteur des crimes que tu dis commettre. Tu tires des rails, je tire des blancs sur la comète. Quand je mesure mes paroles, gros, je parle en kilomètres. Va leur dire que j'ai pas le temps. Va leur dire que j'ai pas le temps. Va leur dire que j'ai pas le temps. Va leur dire que j'ai pas. Va leur dire qu'on veut changer nos rimes en euros ou en dollars. Bill, si t'as rien dans le ventre, je te fais cracher de la bile. Nique les intégristes. Je suis un homme intègre. Y'a autant de level dans mon zoo que de Mola en Molenbeek. J'veux mon crâne sur les bifs comme Abraham. Quitter la baraque avant que ça crame. Cravacher sans porter la cravate ou cavaler derrière un smic. Ensuite on te braque. Je ferme les yeux mais pas baisser le regard. Dieu m'a prêté la vie mais j'ai quelques loyers de retard. J'suis plus au fourneau qu'un cadre dynamique. A sec vu tout l'argent que je dilapide. J'me pointe sans invite à ton anif et remplace les bougies par des bâtons de dynamite. Yes, yes. Hey, hey, E2FG22. Hey, Romo, PU Clan, Jean Berbigo et ce luxueux Jazzy Bass. On aime les femmes au corps de rêve, on est que des hommes, pardonne ou d'être. Moi je porte pas de fer, mais je porte un toast au poids d'un Porsche en bord de mer. Nique ces chroniqueurs qui écrivent sur leur putain de bloc de merde. Rien pour les voix du rap alors qu'ils ont juste peur de le faire. On vient péter des gains, non pas péter des gueules, on n'a pas la dégaine à dégainer les gueules. Pourtant tes gars bégayeront dès qu'ils font les têtes que des saboteurs. Nous c'est RDB gay. À l'école, les premiers on les renié. Moi je ne dis que des vérités, c'est le merdier. Les derniers restent les derniers. RDB gay, que donne RDB. Mais tous ces FDP, c'est quand on kick, ça fait rem, bang, ding, gang. Dans leur gueule, passe le jour de l'an à Molenbeek. 19 personnes fait du rollerblade. Non, RE, maintenant je sors à Rosa Parks, mon terre. Tu veux me shoot, personne me trouve comme Thomas Price. Je vends ta plaireau, même si je suis hétéro. Je nique les terroristes, pas time pour rester roli. Longue vie à ma clique, hétéroclite. Et les MC dans leur cabine ressemblent à des putes en vitrine. Moi je suis comme Staline, je les aligne, j'exécute sans limite. Ouais, la plume est plus forte que l'épée. Notamment quand je te la plante et que ça engendre le décès. Dans ce paysage goudronné, beaucoup de mec déboussolé se taise. Mais pour mettre le feu aux poutres, tout le monde est de mèche. Parle pas d'égalité, des chances à des malchanceux. Mes gars sont rarement pieux, même ceux qui croient en Dieu. Peut-être qu'on nous internera car on est plein de vices. On n'entre pas, on s'infiltre, s'intègre pas, on s'infiltre. Ici les petits filous braquent des bijouteries. Ça sort l'artillerie lourde à la Vladimir Poutine. N'oublie pas que les flics ripoux arrivent sous tige. Ça cache ton living room et c'est le cas, j'y puis tout de suite. Courage, si tu comparais que tes parents sans contrarier la porte de la maison d'arrêt. Ne l'ont jamais condamné. Mon rap à headshot, une balle et je vois vos têtes sauter. Ton son une défenestration depuis le rez-de-chaussée. Je t'étonne comme une paire de seins, j'arrive l'air de rien. Je préfère bien faire le mal que mal faire le bien. Je sors au clair de lune pour tuer les mecs peu fiables. Reste sûr ou tu vas danser avec le diable. Même dans les poches de tes gavas, tu ne penses qu'à brasser. Moi j'ai besoin d'un vrai bras droit, pas d'un bras cassé. Ni de leur ministère, leur état déficitaire. Qui taxe dans nos frigidaires et garde tous ses privilèges. Ils nous limitèrent à la paralysie, frère. On a besoin d'unité, une unité paramilitaire. Une fois mon lance, grenade qui plus de paradis. Je t'anasie, le genre de mec qu'on jette à l'asile. Et voir à l'échafaud, je déteste les sous-marins. Je te fais la peau et je demande à toi ton squelette, est-ce que tout va bien? Yo, gros mot, est-ce que tout va bien? Yeah, gros mot, est-ce que tout va bien? Yeah, les dièses de gros mots dans les bacs très bientôt. Faut pécho ça les frères, faut pécho ça vite. Ok. Hey, faites un maximum de bruit la nocturne pour ma main Jazzy Bass. Faudrait que j'arrête trop de trucs, la flemme, les goûts de luxe. À croire que ma tête ne m'écoute plus. Pour de la merde, on se fout dessus. Tête à tête, coup de pute. J'croise une reine Z, j'lui fais sa fête toute nue. Putain, faut que j'arrête ça, les nymphos veulent du Versace. J'ai les crocs, il me faut le salaire avant de faire ça. Carré dans mes fers, ça, les vrais ça. Ici, on t'accueille avec l'air, ça, on dessape. Ouais, enfoiré de merde, tu me croyais dead. Évite de cramer ta thune dans des paris bêtes. Ouais, j'attire les femmes battues et les parisiennes. Encore un son de crapule qui passera pas l'hygiène. Ouais, j'ai l'air fêlé, j'arrive fan de la mets dans les délais. Tu kiffes à t'écoutes hap, j't'ai jamais demandé d'aimer. Les petites frappes, flip grave. Vu ma teuté, j'suis trop tricard pour bigrave. J'me laisse aller, j'ai pris du beat grave. J'veux me ranger, j'sors un 10 grammes. J'te fais pas néné, j'ai la grippe ah. Faut bien manger, la vie m'tacle. Ils m'font un Merco AMG, une go artificielle. Du cuir dans l'habitacle. J'aime pas les pauvres, leur string ficelle. Leur pif qui saigne, à force de taper dedans comme 50 Cent. J'vois la vie XXL, toujours dans l'excès. J'excelle pour te vexer. Ouais, enfoiré. Ah, enfoiré hein. Ah, ah, enfoiré hein. Hey, allez pécho les dièses de gros mots dans les bacs. Yeah. Flow, pour avoir arrête de jouer les zouaves sur commande. Rien à foutre et je m'en bats les couilles, je pars en improvisation. Le texte est pété, je ne m'en rappelle plus. Sur la tête de ma mère, c'est comme ça que ça se passe. Au final, tu l'auras dans le cul. Faut aller pécho le dièse de gros mots, je te jure. Sur la tête de ma mère, père Pizou, on te rassure. Je suis avec l'équipe qui arrive du PU clan. Pas de problème, tu sais, la danse, elle vient de Perpignan. Y'a aussi les poteaux qui arrivent de l'entourage. C'est comme ça que ça se passe, tu sais, à n'importe quel moment, on a le message. Y'a Nasty, Yaneta et toute l'équipe. Pas de problème, nous on arrive et on peut être deep. On peut être plus posé et arriver avec un autre style. Pas de problème, nous on s'en sort, tu sais c'est freestyle. C'est freestyle, on s'en sort et on s'en sort. Je te le dis deux fois parce que j'aime bien le dire encore. T'as vu le mec est trop fort, il est sur Skyrock. Je l'ai déjà dit la dernière fois et je suis resté hip hop. Ouais, ouais, ouais, maximum de bruit. Maximum de bruit, hein, hein. Yeah. One more time, call it, hey. Skyrock, radio, Paris, I got it. I'm known to do it, understanding how we still rock it. Back when, no back when, ever since that backspin. With the way that I came when the DJ lit that track spin. Let me in, this game I play it to win. Tell him I'm slaying competition with the way I bring it in. Okay, no pretending, with the way I came. The message reality I'm bending, I bring it, I got game. Insane, spit flame, okay, who try? Go against the grain, understand, you die. Me, I stay solo, I flow. I know I go anywhere I want. I blunt, I still don't front. I stay live till the day that I die. Understand what I mean, what I mean. Every time, who the man, guaranteed that I get him like this. And I tell him no, I don't miss. Understand what I mean, I express with the style I manifest. Still the dopest. Leave competition feeling hopeless. Man, I bring it on every time I'm saying I'm coping. Anywhere I'm at, I hold it down, I put it with rhythm. Got the hip-hop game in my soul and I still gotta get him. Hit him all out while the DJ bring it, I'm spinning. I tell him how I do it right now, these haters straight grinning. Slay him, kill him, I do it, I'm drilling. I'm kicking, I'm back, I'm chilling, I'm spliffing. Stay high, that's right, mother, I stay high. All day, mother, I stay high. That's right, mother, I stay high. Till the day I die, I stay high. That's right, mother, I stay high. Skyrock, mother, I stay high. Paris, mother, what, I stay high. Till the day I die, let's go. Écoute, je me méfie d'eux, ils oublient vite qui était là quand leur poche était vide, c'était vicieux tous ces gens. Faut que je me change les idées, toutes ces femmes donnent envie de chiser. Ouais, je cousin, fais pas le canard. Elles aiment les hommes qui se font désirer. Moi, je vis pas, on porte la mer sur les nerfs et je marche pas serein. Les gueules, je porte la merde là où t'entends les bruits des sirènes. Des gueules, j'ai vu des meufs qui m'écœurent alors qu'avant prier Dieu. Elles veulent pas vider les courses et préfèrent vider des queues. Je me dois d'éviter les feux de l'enfer. Prier, prier sans cesse. Je prier, prier sans eux. Leur montrer que j'ai besoin de son père. Leur montrer que j'ai besoin de son père, mon ami. C'est pas toi qui me donnais de l'essence pour que j'avance dans ma vie. vie, ils veulent commentaire. Dieu. Je suis nerveux comme mon père. Okay. Touche à mon petit frère, un conseil, prépare-toi pour faire la guerre. J'ai traîné pour des billets verts, fumé pour oublier fraise. On est à l'indirect car un clap en promo dans les bras. On fait du bif sale pour des sapes propres. Ici on juge au visage, on blette sa dope au sac de colle. Ouais, ouais. On veut le classeport et des sacs de liasse, moi. Et de mes gars, chaque coin de rue, et v'là que les flics s'affolent. Ouais, de quoi ils se plaignent? Je vis là où la race arabe est tabou. Ils veulent pas voir nos têtes, normal qu'on les braque en cagoule. Non, je leur ferai pas ce plaisir. Ces fils de pute me mettent des menottes, mais la fume désire. Ayant posté dans le bain, dans quelques Yankees se font visser. Tous les types de chez moi pilotent en mi-pair. Des tas, c'est faux, des tas. Et s'il faut s'entraîner au clock, faut que la cloche ferme ta bouche. Sinon, c'est jusqu'à la clotte, ma bitches, hey. Quelques bitches, hey. Quelques salopes, pire qu'un appartement salement. Leur chenet, tout le monde les a visités. C'est pas licite, hey. Tout le monde se démèque et inversement. Aujourd'hui, c'est la mixité. Ya, parlez, parlez, parlez. C'est passé, j'prends des culs. Les laisse dans un sale état. Pensez pas caler entre nous. Trop d'écart entre ces pétasses. C'est nous qui partent se font recaler. Les jambes écartées tout un tout petit buzz. Allez bougez bougez. Tous ceux qui reprend sur face se feront trouer trouer. La route tombe plus vite que l'éclair. J'fais mes pailles, mon tour père. Reste droit, fume un peu split. Rien à prendre les de ses peurs. Ok ok, hey, ma main stretch. Tu peux pull up cette instru s'il te plaît. Stretch. Pull up moi cette instru. Hey, je veux que vous fassiez un maximum de bordel pour mon gars DJ Stretch qui envoie ça depuis tout à l'heure. Envoie ça là, s'il te plaît. Ok, ok, un. Ok, ok, un. Ok, ok, un. Ça fait un. Si tu veux des kilos, tu connais l'adresse. Faire bisous, c'est cramé gros d'après la presse. Vrai bail de pyro quand je ramène ma fraise. Ouais, au moindre giro, tous mes blés d'art stress. Gros, réponds Hamdoudou quand on dit la baisse. Nous, nous on fait du vaudou, tu passes des cassesses. J'aime, j'aime quand une vraie cassos me fait des caresses. Du sirop pour la tout dans le gazous pour la mettre à l'aise. Ouais, vite ta vie nous fait pas yesh. Wesh, les bitches aiment quand on fait de la lèche. Wesh, évite l'asile, évite la dèche. Wesh, c'est pilon qui t'abîme et qui t'achève. Wesh, tu flippes quand toute mon équipe quitte la tête. Hein, qu'on pique ta ville, qu'on pique ta caisse. Hein, le con de sa mère, la délicatesse. Yo, quand on s'amène tous les dilates, les vrais bonhommes ont pris de la graisse. Ouais, ouais, ouais. Hey, chill. Tu passes ça pour le prix, achetez ça pour le fric. Pour le cercle ouvert, tu me m'envoies sur le tourne-disque. Skunk 1, triple sec et double cheese. En gros je te coupe la parole comme on coupe le shit. Je fais pas ça pour le plaisir, je fais ça pour le fric. Cercle vertueux, m'envoie sur le tourne-disque. Skunk 1, triple sec et double cheese. Hey, hey, Dieu, boire avec le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Staff, mais bon c'est pas mes bites, hein. Ils sont tous meilleurs que WAM, je donnerai pas de détails. Néanmoins je peux jurer sur la tête de Mario Maréchal, hein. Je peux faire le mal, je peux faire le bien. Marijuana, oasis tropical, je pisse dans leur verre de vin, hein. Tellement de chienne, j'apprends à faire le chien. Enculé de merde, si je me mets au taf, je vais perdre le tien, hein. Je cherche pas hier, je viens de Paris, m'amène. Né dans le 17, je vis dans le 20, besoin de calme, mes amis te l'amènent, hein. Yeah. Et sur la piste, ils se prennent pour mon screen, je me prends pour Paris, allez, hein. Hey, hey. Fais du bruit pour mon gars, gros mot, les chaînes du gros mot, mon gars, dans les bacs, un, un. Faire bisous, un, on est là bien, hey, ma connexion grande ville. Mon gars, SO, le luxe, SO, faites du bruit pour SO, les gars, faites du bruit. Non, non, c'est mon gars, gros mot, là. Y'a encore du temps, là, pour le freestyle, ou y'en a qui veulent kicker. Ok, on kick, on kick pas, un. Ok, on kick, on kick pas, un. Ok, on kick, on kick, ça fait, un. Gros, je fais les 100 pas. Y'a des voix qui parlent dans ma tête. J'perds mon sang. Demain dans la le tâche next sans latex. Si t'as le sida, j'trempe la verge dans un verre d'eau de javel. Wesh, toute la merde, on s'emballe. Poucavé, on t'emballe. Roule un ster sur le 100 grammes. Que j't'ai pique 600 balles. J'suis pour un tête, mais pour un schler, j'suis peu rentable. J'te fourre ta perte au putain de terre. Comme un tampax, très peu fréquentable. Toujours dans des plans foireux avec les deux pieds dans le plat. Tu frousais un bon baveux à mes yeux plus qu'un fantasme. Ouais, t'es juste un plantasme. Si tu veux fumer sur ma beurre, récupère un cul dans le Santa. Allo 0 to 100, real quick. Y'all know how I do it right now, we so slick. Let me display it, give me a minute. Right here, right now, we gon' win it. Yeah, with the way y'all came on the track every time, and I do it any way that I want. Understand what I mean in competition. When I say in, when I say one blunt, man, don't front. With the way that I kill it right now, when I'm drilling any kind of competition. Every time I'm holding my position, I'm kicking, getting them. I told them I ain't playing the way that I be just doing my thing. I'm always slaying, y'all know what I mean. Cheat out with the way I lean, guaranteed that I do it, I fame. Every time I get up on that track, motherfucker, keep it clean. Understand what I mean, I hold it down like a man, anywhere I'm at. Guaranteed that I do it any way that I want. Every time I kill him with another bat, ha, freestyle off the top with the way I do it, no stop. Every time I drop that lyric, guaranteed I keep it high. So show me what you got, guaranteed I do it off the block. Every time when I blast that rhyme, understand what it is right now. I'm known to rock. So invest the stock, money in the bank, we make it. And all these suckers over there, I see them trying to fake it. Let's go, yo, I put it down. Paris, right now, hold it down. Anywhere I go, I'm down. That's right, player, we always down. Yeah, ah là tu me plais. Yeah, là tu me parles DJ Stretch, frère. Yo, yeah. Flow, pour avoir arrêté de jouer les ouafs sur commande. Pas le choix, c'est un coup à te fumer si tu recommences. Eh, je suis protéiné de manière innée sur la prod. Cesse de crier, tu m'as prié, je reviens rimer pour la forme. Yo, précis comme Big Ben. Du mal à concilier mes petites manies de bipède avec la vie que je mène, nique la féerie de tes disquettes. Je te baise en 5-7 car moi aussi ma mais et haine. Je veux ma part du cheesecake. Solo comme tout MC qui se respecte. Je nique tellement le beat que mes G-Pro tournent vite à la sextape. Les gens me disent sec, me disent sectaire, who's bad. Cause sur un coup de tête, mais un jour ou l'autre tout se paye. Que Dieu nous pardonne pour ce que nous sommes. Et si les murs ont vraiment des oreilles, ils iront acheter l'album. Bro, plus je m'isole, mieux je me porte au calme. Le rap ira mieux le jour où il pleuvra des cordes vocales. Faut que ton rap ludique, je rappe lucide face au vide qui sépare la trappe nigo de la trappe musique. Je deviens grave busy, rien d'enviable dans ma vie. Je dois faire la diff entre les gens faibles et les gens fiables. Je prends le diable par les cornes, fuck l'auréole. Faut que je perce, quitte à faire de l'industrie un glory hole. Disons que la révolution est en marche. Sinon, ils faisaient du rap, ils mettraient Père Pizou dans l'arche. Ils mettraient Père Pizou dans l'arche. Écoute, ils mettraient Père Pizou dans l'arche. Sur Sky, c'est ça. Yeah, yeah, ouais, faut que les billets se comptent. Sans piller ni vendre chichet se compte. Dis est-ce qu'on peut prier, garde dans le pied dans la vie d'escroc. Puis laisse, moi je vais pas trimer pour que les pièces pondent. Comme l'entier, c'est pas dire que je sens plus les secondes. Le temps passe, si je fais de la zig de bas étage, c'est que je viens de la France d'en bas. Fallait qu'on en parle. Putain, je pars en impro parce que j'ai eu un trou. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, yeah. Le jour où j'aurai de l'argent, je ferai peut-être des implants. Donc s'il y a du bif à faire, il faut le faire dès maintenant. Pas besoin de stéroïdes, le maghreb, elle met à tout voir. Je taperai dans l'héroïne quand j'aurai baisé Catwoman. Tu joues le fou, mais tu devrais taffer. Si vous êtes plusieurs dans ta tête, y'en a pas un qui s'est rappé. Ça dégage. Je connais cette fille du 4, un missile tu craques. Qui cherche une idée du rap, même kiff que ceux qui disent du crack. Le studio c'est mon lieu, on me demande ce que je fais dans la vie. Je réponds que je fais de mon mieux. FG n'est pas présomptueux, mais il est très somptueux. Pas besoin d'une voix grave si ces mecs envoient du pâté, moi du foie gras, c'est qu'une question de jeu. Jusque mes potos sont cœur noyé dans des eaux profondes. On se morfond car il reste plus que des souvenirs sur des photos sombres. Des meufs d'ab, ce soir on va ramener les deux. Je lis en elle comme si Mac avait des yeux. Fais du bruit pour gros mots. Fais du bruit pour gros mots. Fais du bruit pour gros mots. Ok, je crois que c'est la fin du freestyle, ma main stretch. On continue ou pas? Allez, finir un couplet. Allez, vas-y, maman, t'es obligé dans la chaîne, dernier, maman. Allez, gros mot. C'est ta nocturne, t'as pris le contrôle. Mic check, 1-2, c'est Père Pizou. J'ai fait un vieux texte, je l'ai oublié, putain. Attends. Père Pizou. Tard le soir, on traîne dans le centre, frère. Soit on est ensemble, soit on te met ensemble, frère. Gros, je me sens frais, pour me concentrer. Direct, je tire un grand trait. Sur la chill et sur la tease, les chillettes et leurs fils. Ma bite, je crame direct de la weed. Tout dans la frime, rien dans la finesse, on arrive. Arrière, goût Guinness dans la rime. Les petits naissent dans de la pisse. Guette leur narine, trouve l'ivresse dans de la rinse. Je vais faire mon business dans ta ville. Hein? Que t'es vrai, athlète dans ma team. Tu veux un feat, faut que je me tape discrètement ta bitch. Ok, hein? Ouais. Avoue que c'était mieux sans moi, hein, ouais. Avoue que c'était mieux sans moi, hein, ouais. Avoue que c'était mieux sans moi. J't'en voudrais rap si t'avouais que rap c'était mieux sans moi. Maximum de bruit. C'était la session live dans l'émission dans cette nocturne avec Monsieur Romo. Les jazz de Romo le 14 octobre dans le bar. Bra les champions. Bisous. Merci à toi, gros mot. Hein. Bah, merci à toi, Fred. Merci à tes invités qui étaient là. On va rappeler les noms. Il y avait Jazzy Baz. Jazzy Baz, Dinber Bigo, Maman FJ. Il y avait Maman Esso. Il y avait ensuite PU. Qui était ce garçon de Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression. Oui, Khalid, putain, excuse-moi. Khalid, bah ouais. J'ai cru comprendre New Zealand, non? Mais ça, c'est un plan à Nasty, ça, en fait. Ça. Alors, en vrai, c'est Nasty qui devrait en parler, à mon avis, parce que je crois que le gars, il vient de Nouvelle-Zélande, il kick en Kenry, mais il est palestinien à la base, donc maximum de bruit aussi pour lui. Il était donc là dans cette nocturne. On rappelle que ton projet est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ouais. Merci à toi. Peut-être qu'on finit avec un dernier morceau, non, avant de se quitter? Ouais, pourquoi pas. On va passer Malsain, le feat avec, avec Némir. Némir, ouais. Et bon, on l'écoute maintenant sur Skyrock. Chaud. Gros mot au contrôle de la nocturne. Aïe. Malsain. Pour pas grand chose, ça sort le manche. Embrasse la mort au fond du bassin. Malsain. C'est pour mes maigras, mes assassins. Tu me croises, tu t'écrases comme mes voisins. Malsain. Soir au matin, joint sur joint. Soir au matin, joint sur joint. Elle voulait me guérir, je lui ai éclaté le vent. Malsain, hein. Ferme la pétasse, mets-moi 20 sur 20. Ça détaille plus, la big rap 20 sur 20. La reste de tu, accumule gain sur gain. Comme quand t'as Zika mais que t'as pas le vaccin. Malsain, malsain, malsain, malsain, malsain. Malsain, malsain, malsain, malsain. Femme et fumette, mets-moi 20 sur 20. Malsain, malsain. Malsain, malsain. Femme et fumette, mets-moi 20 sur 20. Sors le sachet de bleu, que je me les roue un sdr ou deux. Elle a le boule qui crève les deux yeux. J'ai le b qui pète le feu. Si je croise un genou, gros, je fais le vœu. D'avoir encore plus de vœux. Je vierge, belle vieux, ouais. Viens, on refait la même un deux. Elle est bonne, c'est tout ce qu'elle veut. Faire le minimum, se trouver un cataribis. Et pas trop dégueu. C'est putain, on l'a fini au feeling. Sur ce pet, tu peux un T22. J'hésite entre une pipe ou un peeling, pelle. Entre un drink ou un dealing, pelle. Ça squatte entre coups dans le bain, dans le bain, dans le bain, dans le bain. Que des rebuts ou des frisages. Plus de mouches, t'as y'a plus de penta. Pelle, montre-nous ton vrai visage. C'est plus des bandits, c'est des bimbos. Les traîtres, on les bannit. Le Théo m'a béni, j'ai touché le bingo. Malsain, malsain, malsain. Malsain, malsain, malsain, malsain. Femme et fumette, mets-moi 20 sur 20. Malsain, malsain, malsain, malsain. Femme et fumette, mets-moi 20 sur 20. Malsain, on t'attendait, un petit bâtard. Malsain, malsain, malsain. Malsain, malsain, malsain, malsain, malsain. Tête de blédard, toujours aussi mais. J'nique ta pétasse, kiffe les vidéos chiffrées. Paye à rien, fou, casse-toi, nique ton vrai tard. Trop petit pour me pétard, j'sors le calibre, j'sors le pétard. M'en bats les couilles de ton avis, ce que tu penses de ma vie, j't'emmerde. J'aime pas ce que tu fais, mais si on se croit, je te dirais que je kiffe quand même. Putain, mais qui est-ce? On contrôle la zone que de la bande dans mon filet. J'en fais des trucs bizarres, me déguise en fillette. Quand je crache au visage, me sens plutôt fillette. Malsain, malsain, malsain, malsain, malsain. Femme et fumette, mets-moi 20 sur 20. Malsain, malsain, malsain, malsain. Femme et fumette, mets-moi 20 sur 20. La nocturne avec Gros Mot qui s'achève sur ce morceau aux côtés de Némir. Malsain. Malsain, malsain, malsain. Gros morceau encore, hein, du projet. Allez vous procurer ce projet qui s'appelle Les Dièses de Gros Mot. Si vous avez kiffé cette nuit là, allez tout de suite cliquer parce qu'il est dispo en digital. C'est ça, en digital, il est dispo en physique. En physique.

je l'ai mise à nu. Elle m'a volé mon cœur. Confiance, confiance, plus de mal que de peur. Garde tout dedans, plus de larmes que de pleurs. Garde tout dedans, plus de larmes que de pleurs. J'ai pas le temps de te séduire, faut que je retourne charbonné. J'ai pas le temps de te mentir, que l'œuf abonné. Cette lumière va partir, et mes rêves vont partir. Cette lumière va partir, obscurité mentir. La manière dont tu comptes en dis long sur ce que t'as brassé. La manière dont tu pompes en dis long sur ce que t'as sucé. Tends pas ta main, on te tord ton âme. Et le shit a brûlé jusqu'au dernier gramme. J'suis pas bête, pas bête, ça. Plutôt pas net, j'fais du sang. J'vois le regard me dire allez. Et plus j'monte, plus j'ai mal. J'suis pas bête, pas bête, ça. Français, planète, la nocturne. Yeah, yeah. Barack Adama, yeah, yeah. La MZ maintenant, yeah, dans la nocturne. Allumé, allumé, allumé. Dans mon cerveau, je suis trop allumé. Ouais, allumé, allumé, allumé. À bout portant, on m'a allumé. Je ne pense pas à m'éteindre, à réduire le feu. Cerveau, je suis trop allumé, je vais redescendre sur terre tout en pensant aux cieux. Dans mon cerveau, je suis trop allumé. Système, l'État nous escroque. Voilà ce qui pousse petite affaire escorte. Petit frère, lui, importe et exporte. Toutes sortes de choses, on rêve d'autre chose, c'est dur, mais faut qu'on s'en sorte. Bonheur se trouve derrière cette porte. Et moi, j'ai pas les clés. Les miens sont paniqués. J'avance bouteille d'essence, un cochon blanc et un briquet. Comme Johnny Hallyday, le feu je vais allumer, allumer. Allumer, allumer, allumer. Dans mon cerveau je suis trop allumé. Ouais, allumer, allumer, allumer. À bout portant on m'a allumé. Je ne pense pas à m'éteindre, à réduire le feu. Dans mon cerveau je suis trop allumé. Je vais redescendre sur terre tout en pensant aux cieux. Toujours posé dans le bloc avec nos bouteilles et nos calumets. Pourtant j'ai pris le relais. J'dois ramener les sous à la maison car maman est fatiguée. Mais toi t'as pas idée. Tout le mal qu'on serait prêt à faire à autrui pour de simples billets. Triste réalité. On a grandi dans la demeure, dis-moi comment la quitter. J'ai voulu que des frères, mais j'ai eu trop de potes. On apprend de ses erreurs, nous on a touché le pactole. Regardez l'entourage péter un plomb à force d'allumer trop de corps. Disons que 6 gros décode. On apprécie la paix quand on est dans la violence. En nous s'installe la haine quand on est en manque d'argent. Toute ma vie j'ai vu maman prier Dieu comme si elle parlait dans le vent. Toujours Joe Pim saute autour de moi et je te garantis que c'est déjà pas mal. Allumé, allumé, allumé, allumé, allumé. Dans mon cerveau je suis trop allumé. Ouais, allumé, allumé, allumé. À bout portant on m'a allumé. Je ne pense pas à m'éteindre, à réduire le feu. Dans mon cerveau je suis trop allumé. Je vais redescendre sur terre. Quand mon cerveau je suis trop allumé. J'ai l'impression qu'on est devenu dingue. C'est le cerveau de nos parents qui maintenant trinque. À cette allure on a des chances d'être foutus. Le mode d'emploi de nos vies c'est devenu YouTube. Le manque de force, la haine depuis nous caresse. Qu'est-ce que tu crois toi c'est l'AS. Je me détruis et on me dit arrête, arrête, arrête. Putain il nous allège pas. Obligé de me justifier pour pas subir les espaces. Nos cerveaux sont complètement retournés. J'pense à nos gosses et toutes les prochaines fournées. Je tourne, tourne, tourne autour de moi-même. Et je me dis allumé, allumé, allumé. Dans mon cerveau je suis trop allumé. Ouais, allumé, allumé.

incapable du pire, baby, faut que tu me comprennes. Et les ennemis, je les vois plus venir. Je me vois tourner la dope. Le mille bornes effectuées en rover. C'est vrai qu'on a fait de la route. Voilà, voilà, voilà, voilà. A jamais affilié au hall. A deux ans de la première cover. C'est sûr qu'il s'est passé des choses. Voilà, voilà, voilà. C'est tout pour la moule, yeah. Couper la coca des coupes, yeah. 45 noirs comme un poum, oh. A jamais affilié au feu. Maintenant ils font tout ce que je veux. Pull up un pas c'est le feu. Oh la la la la. Je prends les hanches, je donne du bon. Viens travailler sur le con. Le sac est plein rempli de mal. Le sac est plein rempli de mal. Là-bas dans le feu tout le monde nous conne. Je m'ouvre tant tourne la dope. De mes bornes effectuées en rover. C'est vrai qu'on a fait de la route. Hola, hola, hola, hola. A jamais affilié au hall. A deux ans de la première cover. C'est sûr qu'il s'est passé des choses. Hola, hola, hola, hola. On va rester dans le 17ème. Monsieur Ice LMC. Young Beko 4. Pour mes locaux incontrôlables dans des cellules capitonnées, fonce des jusqu'à 4h du mat pour oublier que le bonheur c'est d'être libre. Électron libre, électron libre. Yeah. Cher l'entreprise. Ces poteaux se prennent pour CIA, pense tout connaître sur Beacon. Je connais tout sur eux, grâce à elle, tu vas faire la guerre sur Ego. Sur Ego, mon infanterie de 50 000 Beacon gravera ton blast sur la pierre. Volubile de mélodie venimeuse dans la tourmente, venu monopoliser le terrain, j'ai l'extendo. Tu t'es volatilisé, mais tu finiras pour mort. La devise, ne pas chanter sur le mauvais tempo. J'ai la barre à nouveau plafond dans le fond du manoir. J'ai les mains noires, bébé, je reviens du charbon. J'ai levé la voix, j'ai vaincu pour restaurer ma loi. Que la hagro, depuis j'ai demandé pardon. J'en adopte juste pour imiter les bourgiers, oh. Sors du star avec le bouguier, oh. Je refuse de te donner de l'amour, yeah, oh. Pousse de la poussée, dinero. Je mets l'oseille que je veux sur ma table. Je compte pas sur toi pour ma paix. Bouton, je te raye de la carte juste avant de péter ma tête. Électron libre, électron libre. Électron libre, électron libre. Je dévaste la ville comme une tornade. Que des rafales, pas d'accolade. Indépendant, des Z-Power, gros c'est fini la ratonnade. Tu veux tout savoir sur l'MC. Combien coûte ma caisse, ma maison, mes stats. Primar, rien que tu critiques ma vie. Mais tu passes la tienne à guetter mes snaps. Ça c'est pas mon genre de procrastiner. Si je te dis que je vais te fumer, je vais le faire. Maintenant, douilleur, essaie de te tirer. Fini dans le coffre du fer. Allemand, tellement brutalement, je garde les miens près de moi. Mes ennemis s'éloignent. Devenu riche grâce à ton talent, tu juges tes amis, la zermie témoigne. Vends la dope juste pour imiter les bourgiers, oh. Sors du star avec le bouquet, oh. Je refuse de te donner de l'amour, yeah, oh. Pousse de la poussée, dinero. Électron libre, électron libre, électron libre. Je mets l'oseille que je veux sur ma table. Je compte pas sur toi pour ma paye. Bouton, je te raye de la carte juste avant de péter ma tête. Électron libre, électron libre. Que je veux sur ma table, je compte pas sur toi pour ma paye. Bouton, je te raye de la carte juste avant de péter ma tête. Électron libre, électron libre. Électron libre, électron libre. 100% rap, 100% explicit lyrics. La nocturne. Que c'est? Chaos, Chaos, Zongo, Zongo le dozo,

Sache que on peut te refroidir, même si t'es tous les jours dans le four. Sauvagerie, sale et la sonorité. Sauvagerie, choqué de la brutalité. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. Ils font les fous à la cité, au comico, ça bave comme des crapauds. Sauvage, sauvage. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. J'avais que solo mythe, tout qui est popo. Ils font les fous à la cité, au comico, ça bave comme des crapauds. Arrête de jurer sur la vie de ta mère, t'es qu'une salope. On sait que tu vas rien faire. J'ai la haine depuis petit, encore plus depuis que j'ai perdu mon grand frère. Et la sonorité, choqué de la brutalité. Sauvage, tout niquer notre mentalité. Faire monter le taux de mortalité. Sale et la sonorité, pas le même niveau, pas de rivalité. On a de la frappe de très bonne qualité. À ce vrai, street est la réalité. Street est la réalité. Kalash criminel dans la nocturne. Le projet bientôt et bientôt dans la nocturne aussi. C'est 100% rap français, Sneezy. Nekfeu, Skirt Cobain. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. UDNC. Senzo. Super Sandé dans cette web. Je fais mon retour comme Zinedine en 2005. Paris Saint-Germain, je suis dans la ville sainte. Tu gobes mes conneries comme si c'était du flan. Tu flambes avec ton succès en demi-teinte. De te découper comme jambon de Parme. Rebeu est très précis, visage est expressif. Tu peux nous écouter sans qu'on te parle. Ton père le dépressif. Je respecte aucune loi sauf celle de la Sunna. Balance ton tarpé comme pendant fête nationale. Sous la semelle, on a tout l'arsenal. Arsène Wenger, on a tout l'arsenal. On a cassé des barres, on a cassé des culs. Mardi là, j'ai jamais les lacets des faits. La plupart des rappeurs m'ont assez déçu. Je préfère écouter du AC. DC. Ouais, je sais comment. Ton gars sur ta bien baisé, là c'est commun. Là c'est commun. La CDC, rien à foutre de la vie de ces putes moralistes. Tu donnes des leçons que t'as même pas encore apprises. Mauvais comportement comme enfant capricieux. Ferme ta gueule comme pendant lecture coranique. J'ai plus de jus mais c'est que le début du jeu. J'ai hâte du dernier combat vers l'épilogue. Me parlez plus du passé, dans l'avion surclassé. Et me confond surtout pas avec le pilote. Les vestes retournent depuis qu'il y a feu dans les chats. Et que double P a sorti un double P. Pour niquer ce game on le fait en double P. Fais de la place, on arrive à deux dans les chats. Ta test mais t'as juste amusé le crew. Au lieu de béflant, va mettre ton téflan. Tire pile au centre, ne fais pas l'innocent. Tellement tu balances t'as même accusé le coup. T'as vu les failles. Au commissariat t'as parlé noachi. T'as pas fait le kite. On leur tire pas dessus. On baisse juste la police comme side. Tu sais qu'on baisse. J'suis au fond de la gorge d'un canon. Canon au fond de ta gorge. Comme Skirt Cobain. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. J'suis en love sur une meuf qui s'appelle Courtney. Nirvana quand tu vis à fond. J'rate pas ma cible, c'est comme au biathlon. J'ai laissé une lettre sur les lieux, tu me cries. Chemise de bûcheron et fusil à pompe. Go bang, yeah. Go bang, yeah. Go bang, yeah. Go. Les fachos, des milliers de Renoir, des milliers de Bartou, des milliers de potes arabes. J'ai deux personnalités dans un seul corps, c'est un peu comme si j'avais mis les potes arabes. 6 billets de potes sur machine à cahier. Quand tu me vois sur scène, t'imagines un cahier. Dès que je suis fauché, je m'achète un cahier de rime et j'écris de la magie, ma caille. J'entends les jeunes qui sortent de mes concerts me dire feu, voilà, il bilaye, t'as assuré fou. Je suis pas venu rapper comme tous les débiles et je joue pas les milliardaires, rassurez-vous. Toi, tu penses qu'au pétasse, tu fais le bélier, t'as l'air omnubilé, mais t'as pas assuré fou. Y'a que les petits qui te croient quand tu joues les youvois, mais même ton album de merde n'est pas sur écoute. Ah, on va les troller, les troller, les troller, les troller. Go bang. Reprenez vos projets trollés pour frotter les toilettes. Go bang. Puisqu'il suffit d'être les premiers pour les détrôner. Go bang. On va contrôler les clones, les troller, les troller, les troller, les troller, les troller, les troller. Go bang. Go bang. Go. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go bang. J'suis en love sur une meuf qui s'appelle Courtney. Go. T'atteins le nirvana quand tu vis à fond. J'rate pas ma cible, c'est comme au biathlon. J'ai laissé une lettre sur les lieux, tu me cries. Chemise de bûcheron et fusil à pompe. Go bang, yeah. Go bang, yeah. Go. Go. C'est la nocturne. Dans ta glotte, c'est 100% rap français. Sneezy. Fusil à pompe dans ta glotte, nigga. Comme Skirt Cobain. Super Sandé dans ta glotte, nigga. Kurt Cobain. Planète rap. 100% rap français. Nocturne avec Aladdin 135 et son morceau Bonnie and Clyde maintenant dans la Nocturne 100% rap français. Il y a aussi du demi-portion qui arrive, du Rockin' Squat. Je suis Aladdin et les cons qui n'aiment ça. Jusqu'à la fin on est comme Bonnie and Clyde. J'ai qu'à tes yeux, j'ai trop déconné. À me comparer, j'ai trop décoté. Pardonne-moi pour mes réflexions d'écolier. Au fond tu sais, avec toi je voulais décoller. J'ai fait mon avenir, reste près de moi, souviens-toi, on était qu'un. Je ne peux pas te voir partir, je perds mon âme quand s'éloigne nos destins. Je suis au nord et au sud, je pense à toi dans le métro et au sud. J'ai le mort, je m'excuse, si je t'ai fait mal, si je te pleure dessus. Mon amour, mon ami, aussi ma confidente. Tout près du tien, mon cœur est confiné. Si je m'en vais vers un autre continent, bébé, souviens-toi de tout ce qu'on disait. J'arrive, j'arrive, j'arrive, dis-moi qu'on va pas se séparer. Baby, baby, baby, cause de toi mon cœur est fané. Tu sais bien que j'en ai gros sur le cœur. Et pour moi tu as le plus beau corps. Te regarder, je pourrais le faire désert. Oublie pas quand je serai mort. Un jour je serai mort, je pourrais plus te voir. Je pourrais plus te sentir, je pourrais juste t'aimer. Quand chez toi il se met à pleuvoir, c'est moi qui pleure pour que tu viennes m'aider. Je sais qu'il y a le paradis sous tes pieds. Quand tu manques, envie de tout laisser. Baby, quand je chante, pense à nous cet été. C'est ton choix, je veux personne pour t'aider. Je ne veux pas que tu partes et que tu m'en veilles. Seul devant la feuille, je perds le cap, ma belle. Quand je suis à Paris, je me sens si seul. Tu sais très bien, bébé, que nous deux, c'est pas pareil. Arrête ça, tu me fais trop souffrir. Je veux ta main et des beaux sourires. Regarde devant, on a d'autres soucis. Demain sera un autre souvenir. J'ai pas vu ce qu'il fallait. Tous en brouillon, parler. Là, mon cœur est cassé. Le passage, j'aimerais l'effacer. Si tu savais tout le temps où j'ai pensé à toi. J'ai pensé pour nous, l'amour, pour la vie. Si tu savais tout le temps où j'ai pensé à toi. J'ai pensé que toujours tu serais mon baby. Il a mal, ouais, le petit pervers. Loin de toi, dans sa vie, donc son cœur saigne. J'en ai marre, sans penser la merde. De ma femme, mon ami, ma deuxième mère. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de nous. J'ai besoin de foi, ouais, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de loi, j'ai besoin de valeur. J'ai besoin de toi, sans toi, c'est le malheur. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de vrai. J'ai besoin de souffrir à tes côtés. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de mère. J'ai besoin de mourir à tes côtés. Je suis Aladdin et les cons qui n'aiment ça. Jusqu'à la fin on est comme Bonnie and Clyde. J'ai qu'à tes yeux, j'ai trop déconné. À me comparer, j'ai trop décoté. Pardonne-moi pour mes réflexions d'écolier. Au fond tu sais, avec toi je voulais décoller. La nocturne. La rue c'est nous. La rue c'est nous. La rue c'est nous. Ouais les gros, la rue c'est nous. La rue c'est nous. Ouais la rue c'est nous. Excusez-nous. Mais la rue c'est nous. Des grosses bécanes en I. T'es la bienvenue chez nous. Les gars sont pas gentils. Ils mettent les bouchées doux. On fuck ta galanterie. On te met des coups de genoux. Eux ils rappent la rue, nous c'est dans la rue qu'on rappe. Quand on est sur le terrain, y'a aucun bruit qu'on rate. Négro, 9-3-800, on prend des décisions. Si on sort le brolic, y'aura du sang et des répercussions. En bas du bloc, tu peux voir mes arizonnés. La pure vient d'Arizona, puis elle t'arrivonnait. La juge lui met que des gros coups de HLM. Car je suis un mec des HLM, qu'elle a marre de porter du HL. Non, c'est pas la même cam, pas le même game, pas la même cam. Pas les mêmes scènes, pas les mêmes femmes. Pas la même haine, pas les mêmes flammes. La vie ma race, qui sont pas prêts. Je viens de sortir ce son qui me demande déjà le son d'après. L'humain est prêt à tout, pour de la petite espèce. Il est plein, petite veste. Mais très peu on le dit qu'est-ce. Le petit qu'est-ce. Si les condés sont là, ils veulent qu'on finisse au trou terminus. Tout le monde descend là. La rue c'est dur, tu peux te faire tuer en voulant viscère. Pendant que le commanditaire est couché en roulant d'hiter. Moi j'ai jamais voté, j'écoute pas ces sales commis. Si l'alcool c'est de l'eau, bah l'Afrique manque d'alcoolique. Bah ouais la rue c'est nous, mon égo laisse couler. Crix. Le mec a fait le fou, mon égo laisse couler. Laisse quitter toi des sous, non mon égo tu l'es. C'est que la rue c'est nous, donc négro laisse couler. Tu peux faire pour vendre la beuh vert. On n'attend pas le beuh vert. déclare un titre encore même s'ils ont pris un pouce. Jamais voté, j'écoute pas ces sales commis. L'alcool c'est de l'eau, bah l'Afrique manque d'alcoolique. Bah ouais, la rue c'est nous, mon négro laisse couler. Ce mec a fait le fou, mon négro laisse couler. Mais tu te dois des sous, non mon négro tu l'es. C'est que la rue c'est nous, donc négro laisse couler. Arrive même à se faire niaiser et vendre des disques. On attend la venue du Messie. Est vraiment pas celle de l'Antéchrist. Alcool dans la vessie, 46, tu te réfugies dans la tise quand t'es triste. Mes gars font d'une SB et aiment prendre des risques. Je te dirai pas ce qu'ils vendent, mais tous les bolos se tremblent. Et se collent aux jambes comme des scolopendres. Vous écoutez que de la merde, bande de skytophiles. J'rappe pas pour plaire aux gamines. Vole pas dans mes rimes, non. Vole pas dans les plumes d'un ptérodactyle. Ton rap à deux Francis, on le met un rap de pédophile. Mon rap c'est de la drogue dure, il suffit d'une ligne. J'ridiculise les MC, j'fais des Laurent Bas featuring. J'viens d'en bas, mais aujourd'hui c'est moi qui culmine. J'prends le micro, j'ai le cœur qui bat comme souvent qui pulmine. On fait de l'argent, donc y'a des gens qui ruminent. Salam aux frères, Mussolimin. Minuit les halls s'illuminent. À la lumière des culs de joint, mon cousin. Et on repense au butin de Tony Mussolini. Ils veulent me museler, en QHS m'isoler. Enterrer moi et ma famille dans un mausolée. Yeah, c'est le retour du Titi parisien, la tête dans les nuages comme un drone aérien. C'est pour ceux qui cherchent des housses et les gros galériens. J'suis pas de ceux qui ont les couilles qui poussent après un trait de schnouf. J'prends le micro, les faux MC perdent le souffle. J'marche qu'avec des bêtes de fouf, les dents en or. J'lâche que des textes de ouf avec l'accent de Dread of Truth. Yeah. Les neufs finiront par saigner. Titi parisien, pas kéké marseillais. Plus de 15 ans de métier, mais ça y'en a qui oublie. On donne ça à la new-yorkaise, à la Kiubi, à la Harlem. J'roule en Harley, on veut juste savoir la lame où elle est, à la Warlem. Ma man, qui a raison, qui a tort. Mais à 6h du mat, c'est port, m'ont niqué la porte. Au port, je reconnais personne, fuck Akinator. J'suis de la génération, Kouchlas, Bala, Fralpator. Polo Ralph ou avec Alligator. La langue française est riche, j'ai la bouche en or. C'est mort, on est trop vrai pour faire semblant. Casse la bouche d'un flic, ça te fera un condescendant. C'est sanglant, car les balles qui tirent, on ne peut les amortir. Un taulard, c'est comme un piment à peine rentré, il veut déjà sortir. Mes baskets et mes ceintures, j'essaie toujours de les assortir. Suffit d'un moustique pour empêcher un homme de dormir. À trop vouloir t'engraisser, tu finiras par vomir. Les lois, on les a transgressées, on a repeint vos murs. Avec des graffitis, y'a que la street qui me gratifie. Ma peau, je scarifie la vérité, je clarifie. J'ai écrit ce texte en cours de promenade avec Younes Latifi. Libérer, c'est le retour du Titi parisien. La tête dans les nuages comme un drone aérien. C'est pour ceux qui cherchent des housses et les gros galériens. J'suis pas de ceux qui ont les couilles qui poussent après un trait de chenou. J'prends le micro, les faux MC perdent le souffle. J'marche qu'avec des bêtes de fouf, j'ai dans l'or. J'lâche que des textes de ouf avec l'accent de Dread of Truth. Yeah, yeah, yeah. Yeah. 7 gecko néochrome. 9-5 Saint-Ouen-l'Aumône. Université néochrome. Élevé à la time bomb. Rap sale sous la rotonde, balle trap sur la colombe. C'est mes punchlines qui ont fait sourire la Joconde. Yeah. Planète Rap, 100% rap français. Demi-portion, demi-Pablo, la nocturne. Ici on trouve l'espoir avant de disparaître. On a les mêmes pinceaux mais pas la même palette. Où la monnaie rend fou. Rend fou. Dans la vie de Pablo demande beaucoup de sous. Ici on trouve l'espoir avant de disparaître. On a les mêmes pinceaux mais pas la même palette. Où la monnaie rend fou. Escobar, ouais ouais ouais, trop fou. Quelque part. On a les mains en fait pour l'or, mais elles sont dans la merde. On a perdu plein de potes depuis qu'on est gamin. On a cherché un salaire, on n'a pas voulu dormir. Le quotidien est trop dur, on a gardé le sourire. On veut faire le tour du monde avec un petit navire. Explorer chaque espace, on m'a dit ça c'est la vie. Dans rien trop de retard, des tirs qui nous tuent à tous. Y'a même des bougies par terre qu'on allumera en plein de courses. Le travail nous rend trop speed, on a plus le temps de causer. Je te fais la bise ce soir avant de te déposer. La musique nous aide en vrai, elle te relève ma parole. Car si elle n'était plus là, je n'aurais jamais le rôle. On choisit pas son étoile, ni son nuage magique. Comme nous l'a dit Ayam, petit frère grandit trop vite. Joue pas la mafia non, je vous servirai que du sang. Juste avant qu'on se barre, ouais vive la révolution. D'ici on trouve l'espoir avant de disparaître. On a les mêmes pinceaux mais pas la même palette. Où la monnaie rend fou. rend fou. Dans la vie de Pablo, demande beaucoup de sous. D'ici on trouve l'espoir avant de disparaître. On a les mêmes pinceaux mais pas la même palette. Oui l'amour les rend fou. Escobar, ouais trop fou. Quelque part yo, on a des soucis, un peu comme tout le monde qui a chanté ça. Dis-lui d'écouter l'album, des coups, des hématomes, c'est tout ce que l'envieux adore. Non, laisse-moi dans les tribunes, je me fous de la médaille d'or. Jamais d'accord, ferme la porte, tu verras quand rentre. Remballez vos sondages, viens compter combien de jeunes rap. La trentaine gratte, t'aimes fracturer sous le plâtre. On s'en tape d'aller vite, on ne mise pas sur nos soupapes. Chez nous, on est deux, voire quatre bouches, et peut-être 10 000, peut-être timide. Mes textes ne donnent pas le salaire de Maldini, tu vois le délire. Mis à part ça, j'dis l'hamdoulilah, me regarde pas de haut. Il y aura ce jour où tu n'auras plus d'elle. La zik en laquelle j'arrête, c'est peut-être à l'heure. Et j'ai passé l'âge de me plaindre ou de frapper en contrôleur. Non, joue pas la mafia, je vous servirai que du sang. Ouais, juste avant qu'on se barre, vive la révolution. Ici on trouve l'espoir avant de disparaître. On a les mêmes pinceaux mais pas la même palette. Oui, la monnaie rend fou. Rend fou. Dans la vie de Pablo, demande beaucoup de sous. Ici on trouve l'espoir avant de disparaître. On a les mêmes pinceaux mais pas la même palette. Oui, la monnaie rend fou. Escobar, ouais, trop fou, quelque part. Demi-portion de chez moi. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Fais confiance à personne. Personne ne veillera mieux sur toi que ta propre personne. Ne converse pas avec le faux, laisse les moisir entre eux. Regarde le ciel, la voie lactée est bien mieux. Millions de vues, ce n'est pas pour moi, je suis d'une autre époque. Moi c'est millions d'antidotes pour me sortir de ce monde en cloque. Tu me kiffes plus, dommage. Tourne la page et barre-toi. J'ai déjà perdu des diamants précieux comme papa. Vous n'êtes qu'un détail sur cette route qui mène au tombeau. Je garde ma famille près de moi et mes futurs millions d'euros. Tu n'auras plus d'album comme j'ai déjà fait. Vu que je l'ai déjà fait, je ne refais jamais ce que j'ai déjà fait. C'est pour mes vrais hip-hop fans, même ceux qui sont là depuis un jour. Jamais à la bourre. La liberté ça se défend, rien n'est acquis tu sais. Même avec un 9mm caché sous l'oreiller. Millions de vues, ils sont tous à la recherche de millions de vues. Millions de vues, millions de vues, millions de vues. Rêve de niquer des millions de culs, millions de culs. Millions de vues, millions de vues, ils sont tous à la recherche de millions de vues. Millions de vues, millions de vues, millions de vues. Rêve de niquer des millions de culs, millions de culs. On n'arrive jamais à moi par hasard. Miroir, miroir, tricard, tricard, c'est millions de tocards. Dans le bendo bendo, depuis l'époque de bando bando, on ne pêche pas un requin avec des asticots. Rap de daron, rap de patron, à mon compte depuis la lueur de mes premiers crayons. J'en ai vu passer des petits excités qui sont 6 pieds sous terre à l'heure de se phraser. Ne demande pas la paix à une génération en guerre, c'est comme croire en Dieu sans jamais faire de prière. Alléluia, Allahu Akbar, Dieu est grand, je n'ai jamais douté de ça. Dans trop de dièse pour appartenir qu'à une communauté, c'est parti de rien pour enfin tout niquer. Ils parlent tous d'avant comme si c'était stylé. Normal, ils sont pas montés dans la fusée. Millions de vues, ils sont tous à la recherche de millions de vues. Millions de vues, millions de vues, millions de vues. Rêve de niquer des millions de culs, millions de culs. Millions de vues, millions de vues, ils sont tous à la recherche de millions de vues. Millions de vues. Millions de vues, millions de vues, rêve de niquer des millions de culs, millions de culs. Planète Rap, 100% rap français. Je recherche la vérité, c'est pour vous tous. C'est pour nous tous. C'est pour vous tous. Je recherche la vérité, c'est pour nous tous. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis tout seul. J'ai beau rapper, j'ai beau écrire, je me rends compte que je suis tout seul. Mais tout seul dans mon angle, mon rayonnement est pire que celui. Rarot, Kessie, Maya, Maïs, d'être réunis. Qu'est-ce tu dis? Je dis que ma douleur m'intrigue. Qu'est-ce tu dis? Je dis que tu me fatigues. Et être fatigué n'est pas recommandé quand on veut atteindre l'harmonie, l'équilibre et le respect. Et c'est à quoi j'aspire. Monter votre empire, mais me polluez pas l'air quand je respire. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Rester vrai face à la souffrance, ne pas mentir. Un homme clairvoyant vaut toutes les richesses du monde. Une femme au contrôle de sa personne m'inonde. Il ne me reste que ma vérité pour ne pas fléchir. Profiter de ma vie pour ne pas être déçu de mourir. Je ne veux pas être un macro, un gangster, un player. Je veux rester libre et aspirer au meilleur. Mais la vie me rattrape et me jette dans le gouffre du vice. Trop longtemps des pas instables, je souffre mais je glisse. Et si résoudre mes problèmes peut aider les autres. Et si résoudre mes dilemmes peut gommer mes fautes. Je serai le plus heureux des hommes. Le plus heureux des hommes. Le plus heureux des hommes. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. Vu qu'à mes côtés, très peu de fois je l'ai touché. Au fond de mon cœur apparaissent les gens que j'aime. Ceux pour qui j'existe, les gens que j'aime. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis nature. Je veux toujours qu'on sauve la planète, même si ça paraît immature. Des refrains comme ça, y'en a très peu dans le hip-hop. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'est l'antidote. Je parle cash, je rappe cash, mais je me cache pas. Si t'arrives jusqu'à moi, c'est que t'es pas une tâche. Si on ne se croit jamais, c'est que c'est notre destinée. Mais ça ne m'empêche pas pouvoir t'apprécier. Apprécier ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu donnes, ce que tu crées, en restant entier. C'est ça, l'échange entre les hommes. C'est ça, atteindre le summum. Comme des rugman. Mon cœur est pierre, mais au fond de mon cœur réside la lumière. La lumière. Et si tu fuis ma carrière au travers d'assassins, tu t'aperçois que le jus que t'as bu était le nectar des magiciens. Car celui que j'ai bu fait que ma vision n'est plus floue. Donc quand j'écris pour nous, je reste lucide, même rébou. Je motive les crews à chez vous, nos familles à tenir goût. Même où les ventes se coudent et qu'on sent une faille dans tes atouts. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. La vérité qu'à mes côtés, très peu de fois je l'ai touché. Au fond de mon cœur apparaissent les gens que j'aime. Les gens que j'aime. Ceux pour qui j'existe, les gens que j'aime. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis nature. Je suis nature. Et je veux qu'on sauve toujours la planète, même si ça paraît immature. Des refrains comme ça, y'en a très peu dans le hip-hop. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'est l'antidote. Ni catholique, ni athée, ni musulman, ni juif, ni bouddhiste m'ont parlé. S'inspire du silence et mon cœur réagit. Respecte sa cadence et ma sombre poésie. Élèvera sa science jusqu'au palier de ta thésie. Si tu acceptes mon avance due à mon travail de survie. Les a priori limitent les connexions. La connerie interne limite notre ascension. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait plus d'une. Des déserts de dunes avant de faire qu'un avec ma plume. Des océans d'amertume avant de faire qu'un avec ma brume. Je dis pas, aujourd'hui je suis posé. Je sais qu'à n'importe quel moment je peux exploser. Mais comparé à hier, aujourd'hui je le sais. Mais comparé à hier, aujourd'hui je le sais. Mon père n'est pas africain, ma mère n'est pas indienne. Je suis un putain de b-boy et pour tous ces peuples mon cœur saigne. Mais plus ils saignent, plus ils m'enseignent. Les cultures, les traditions, plus elles s'imprègnent. Dans mes écrits, dans mes cris, dans mes envies. Aujourd'hui je suis actif, mais peut-être demain je ne rapperai plus. Même si tu me pries, même si tu me pries. Le futur que nous réserve-t-il, que nous réserve-t-il. T'inquiète, on garde notre style, on garde notre style. T'inquiète, on garde notre style. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. La vérité qu'à mes côtés, très peu de fois je l'ai touché. Au fond de mon cœur apparaissent les gens que j'aime. Ceux pour qui j'existe, les gens que j'aime. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis nature. Et je veux toujours qu'on sauve la planète, même si ça paraît immature. Des refrains comme ça, y'en a très peu dans le hip-hop. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'est l'antidote. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. Vu qu'à mes côtés, très peu de fois je l'ai touché. Au fond de mon cœur apparaissent les gens que j'aime. Ceux pour qui j'existe, les gens que j'aime. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis nature. Et je veux toujours qu'on sauve la planète, même si ça paraît immature. Des refrains comme ça, y'en a très peu dans le hip-hop. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'est l'antidote. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. Au fond de mon cœur, je recherche la vérité. Au fond de mon cœur, j'ai d'espoir pour l'éternité. Et c'est la fin de la nocturne sur un classique à l'instant. Ah si. Après avoir fait un tour à Marseille ce soir, on était du côté de Perpignan avec Gros Mot. Et là on a conclu avec Paname et le son d'Assassin classique au fond de mon cœur dans la nocturne. Prochaine nocturne dans une semaine. Une dernière. Elle est contente de tirer le store et d'aller profiter de retour dans les nuits marseillaises surtout. Hein Fab? T'es déjà bien là hein? Prochaine nocturne dans une semaine. Rendez-vous dans Planète Rap lundi 20h-21h. Bonne nuit, ciao, Fabulo au contrôle, c'est parti. Skyrock Radio Station. Rap, rap, rap and R&B. Non-stop.